Les ondes positives sur Fadjet avec Samantha. Bonjour et bienvenue dans cette troisième chronique des ondes positives, une émission qui explore l'histoire, la science et le langage pour mieux comprendre comment nous fonctionnons et apprendre à développer nos capacités et nos ressources. Je suis Samantha Dube, sophrologue et praticienne en hypnose, et je vous propose aujourd'hui de découvrir comment avoir confiance en nous. Fadjet, les ondes positives. La vie n'est facile pour aucun de nous, mais quoi ? Il faut avoir de la persévérance et surtout de la confiance en soi. Il faut croire que l'on est doué pour quelque chose et que, cette chose, il faut l'atteindre coûte que coûte. C'est ainsi que l'extraordinaire Marie Curie nous interpelle sur un sujet pour le moins glissant. Avoir confiance en soi. Pourquoi cette faculté semble à la portée de certains alors que pour d'autres, c'est un horizon qui ne paraît jamais atteignable ? Qui ou quoi définit la distance qui nous sépare de nous-mêmes et de la confiance que l'on est prêt ou non à s'accorder ? Car oui, la confiance vient du latin cum, qui signifie avec, et de fidere, qui veut dire se fier. Ainsi, on peut être prêt à se fier, à remettre quelque chose de précieux, une partie de soi à quelqu'un d'autre, mais pas à nous-mêmes ? Serait-on donc les dernières personnes à qui nous pourrions faire confiance ? Présenté ainsi, cela peut nous paraître étonnant, voire incongru. Alors, pourquoi nous paraît-il parfois si difficile d'avoir confiance en nous ? Eh bien peut-être parce que notre confiance se construit sur l'estime que nous avons de nous-mêmes. L'estime, c'est l'évaluation, l'appréciation de soi-même. Et puisque l'homme est, comme le précisait Aristote, un animal social, il va établir l'estimation de sa propre valeur à partir du regard des autres. Justement, arrêtons-nous un instant et prêtons une oreille attentive à l'écho de la voix d'un célèbre écrivain et philosophe français. Cette voix, c'est celle de Jean-Paul Sartre, qui nous parle de l'écriture de sa pièce de théâtre, Huis clos, sortie en 1944. Si les rapports avec autrui sont tordus, viciés, alors l'autre ne peut être que l'enfer. Pourquoi ? Parce que les autres sont, au fond, ce qu'il y a de plus important en nous, même pour la propre connaissance de nous-mêmes. Nous nous jugeons avec les moyens que les autres nous ont fournis. Quoi que je dise sur moi, quoi que je sente de moi, toujours le jugement d'autrui entre dedans. Je veux dire que si mes rapports sont mauvais, je me mets dans la totale dépendance d'autrui, et alors, en effet, je suis en enfer. Il existe quantité de gens qui sont en enfer parce qu'ils dépendent du jugement d'autrui. Ainsi, l'enfer, c'est les autres. Les ondes positives sur Fadjet. Alors, comment aider notre cerveau à nous faire confiance ? Il semblerait que l'image que nous avons de nous-mêmes soit en lien étroit avec l'image que les autres ont de nous. Enfin, plutôt l'image que nous croyons que les autres ont de nous. Car finalement, il ne s'agit que de fils qui tissent la large toile de nos croyances, toile de fond qui sert de support à notre compréhension du monde, de nous-mêmes, à nos justifications de nos actes et à nos projections vers l'avenir. En grande majorité, ces croyances qui forment notre filtre subjectif, qui règle nos lunettes de vue du monde extérieur, se forment dans notre système cognitif avant l'âge de 7 ans, au moment où notre cerveau est très réceptif aux nouveaux apprentissages. Ces fameuses croyances, que la psychologie a étiquetées comme étant des croyances limitantes, proviennent ainsi de phrases répétées de façon récurrente dans l'enfance ou en lien avec un événement traumatique. Arrivé à l'âge adulte, il peut s'avérer difficile de se défaire de ces sentences imposées sur qui l'on doit être, sur ce qui doit ou non nous arriver. D'autant plus que notre cerveau recherche en permanence la cohérence et la conformité. Traduction : nous repérons en priorité les faits qui vont nous donner raison. C'est notamment le cas de nombreux élèves qui s'auto-sabotent inconsciemment durant leurs évaluations pour rester en concordance avec la croyance qu'ils ont d'être mauvais à l'école. À travers les siècles, les hommes et les femmes qui nous ont précédés ont écrit l'histoire de l'humanité. Nos ancêtres, avant nous, se sont interrogés sur la meilleure manière d'avoir confiance en eux. Laissez-moi vous raconter. Un petit voyage dans le temps et l'espace s'impose. Direction l'Inde, plusieurs millénaires avant notre ère, pour écouter la sagesse d'un conte philosophique qui nous narre l'histoire d'un jeune porteur d'eau qui quotidiennement remplit deux jarres tenues de chaque côté de ses épaules jusqu'à la maison de son maître. L'une des deux jarres un jour se fend et finit par faire perdre au jeune porteur la moitié de sa contenance, tandis que l'autre continue d'être parfaitement étanche. Durant deux années, la jarre cassée se sent de plus en plus mal de faire perdre autant d'eau au jeune homme. Honteuse d'elle-même, remplie de culpabilité, elle finit par s'excuser auprès du porteur et lui demande pourquoi il ne la remplace pas. Le jeune homme alors lui répond « Pendant que nous retournons à la maison du maître, je veux que tu regardes les fleurs magnifiques qu'il y a au bord du chemin. » Sur le chemin du retour, la vieille jarre voit effectivement de belles fleurs parsemer leur route, mais ne trouve pas de quoi restaurer sa confiance. Le porteur d'eau dit alors à la jarre « T'es-tu rendu compte qu'il n'y avait de belles fleurs que de ton côté et presque aucune du côté de la jarre parfaite ? J'ai toujours su que tu perdais de l'eau et j'en ai tiré parti. J'ai planté des semences de fleurs de ton côté du chemin et chaque jour, tu les as arrosées. Pendant deux ans, j'ai pu, grâce à toi, cueillir de magnifiques fleurs qui ont décoré la table du maître. Sans toi, cela n'aurait pas été possible. » N'est-ce pas le Bouddha qui disait « Vous, autant que n'importe qui dans cet univers, méritez votre amour et votre affection. » Si l'autre est bien un miroir dans lequel notre inconscient se regarde sous toutes les coutures, doit-il aussi être le maître suprême de nos ressentis, de nos émotions et de nos choix? Écoutons le sage constat d'Eleanor Roosevelt. Personne ne peut vous faire sentir inférieur sans votre consentement. Et suivant enfin l'exemple du champion Mohamed Ali, je ne crois pas aux bonnes décisions. Je prends une décision et je la rends bonne. Allez, petit exercice. Prenons un instant pour dresser la liste de tous les êtres qui nous portent ou nous ont un jour portés. Un amour sans condition, qu'il s'agisse d'un homme, d'une femme, d'un animal, encore présent ou disparu. Et faisons remonter en nous le souvenir, l'émotion que nous éprouvons lorsque l'autre nous offre en cadeau cet amour par un geste, un sourire, un regard, une parole. Ressentons en nous tout le bonheur que cela procure d'être aimé sans condition, d'être accepté tel que l'on est. Tout l'apaisement de ne plus sans cesse chercher à s'ajuster, à craindre de ne plus plaire, de ne plus être à la hauteur. Imaginons ce cadeau, matérialisons-le avec son emballage, sa taille, ses couleurs. Et maintenant, prenons ce cadeau et offrons-le-nous. Et à nouveau, laissons-nous envahir par cette sensation de bien-être que l'on éprouve lorsque se sent aimé. Voilà, maintenant que la confiance est là, il ne nous reste plus qu'à agir. Enfin, peut-être que pour cela, nous faudra-t-il trouver un modèle à suivre. C'est justement le sujet de notre prochaine chronique. On se retrouve très vite et en attendant, continuez de propager vos ondes positives.